Radio Sunna vous présente une intervention en direct de Oustaz Abdul Karim Abu Asim. Waffaqahu Allah. Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous avions évoqué la mort de la mère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Amina bint Wahb al-Zuhriya. Arrêtons-nous un moment sur cet événement. Nous avions mentionné qu'elle décéda de retour de Médine près de l'Abwa, qui est une vallée du Hijaz au sud de Médine, sur l'ancienne route qui reliait Médine à la Mecque. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam repassera par l'endroit où sa mère fut enterrée. À cet effet, l'imam Ahmed rapporte de Bureida radiallahu anhu qui a dit « Nous sortîmes en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que nous arrivâmes à Waddan. » Et il nous dit « Restez ici jusqu'à ce que je revienne. » Il partit, puis revint vers nous très alourdi, comme s'il était alourdi par une peine. Il nous dit, je suis parti voir la tombe de Ummu Muhammad, à savoir sa mère, et j'ai demandé à Allah si je pouvais intercéder en sa faveur le jour du jugement, et il me refusa cette intercession. Dans la version de l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva sur les traces d'une tombe. Il s'assied, et des gens s'assirent autour de lui. Il commença à bouger sa tête comme si quelqu'un lui parlait. Puis il se mit à pleurer. Omar, radiallahu anhu, lui dit alors, « Pourquoi pleures-tu, ô messager d'Allah ?» Il répondit, « Voici la tombe de Amina bint Wahb. J'ai demandé l'autorisation à mon Seigneur de visiter sa tombe et il me l'accorda. Puis je lui ai demandé l'autorisation d'implorer son pardon pour elle et il me le refusa. Je ressentis de la miséricorde envers elle et j'ai pleuré. » Le rapporteur, Bureida, radiallahu anhu, a dit, « Je ne l'ai jamais vu pleurer autant qu'à ce moment-là. » Il y a d'autres versions authentiques de ce hadith, rapportées par Muslim entre autres, d'après Abi Huraira, radiallahu anhu, qui a dit, « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, visita la tombe de sa mère, il pleura et fit pleurer ceux autour de lui. » Puis il dit à cette occasion, « J'ai demandé l'autorisation à mon Seigneur de visiter sa tombe et il me l'accorda. Puis, je lui ai demandé l'autorisation d'implorer son pardon pour elle et il me le refusa. Visitez les tombes car elles vous rappelleront la mort. » Donc la mère du prophète, alayhi salat wa salam, ira au feu. Et malgré le fait qu'elle fût une bonne mère attendrissante, le fait qu'elle mourut sur la religion des idolâtres et des polythéistes fait d'elle une des condamnées à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. De même, le père du prophète, alayhi salat wa salam, est dans le feu. L'imam Muslim rapporte d'après Anas radiallahu anhu qui a dit, un homme vint trouver le messager sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô messager d'Allah, où est mon père? Il lui dit, dans le feu. Lorsque l'homme tourna le dos et partit, le prophète le rappela et lui dit, « Certes, mon père et le tien sont dans le feu. » J'ai voulu vous parler de la mort de la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de sa destination dans l'au-delà, ainsi que celui de son père. Et je vais évoquer maintenant le cas de Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète, et nous tirons une conclusion de tout cela. Abd al-Muttalib, alors qu'il était en voyage avec le prophète et sa mère, puis Ummu Ayman, lorsque la mère du prophète décéda, Abd al-Muttalib ramena Muhammad à la Mecque, le cœur rempli d'affection et de sympathie pour son petit-fils orphelin, qui venait d'atteindre un autre malheur en plus du premier. Il lui vouait une compassion qu'il ne vouait à aucun de ses fils. Il ne le laissait jamais seul et le préférait même à ceux-ci. Selon Ibn Hisham, on avait l'habitude de placer un matelas pour Abd al-Muttalib à l'ombre de la Kaaba, matelas autour duquel s'installaient les fils de celui-ci, jusqu'à l'arrivée de leur père. Aucun de ses fils n'osait s'asseoir sur le matelas par respect pour leur père. Cependant, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, encore jeune, qui était un garçon solide, venait s'y asseoir. Ses oncles, voyant cela, avaient l'habitude de l'en écarter. S'apercevant qu'on l'écartait, Abd al-Muttalib disait « Laissez mon fils, par Allah, il est important. » Sur ces mots, il s'assit avec lui sur le matelas, lui massant le dos de sa main. Tout ce qu'il faisait le réjouissait. Abd al-Muttalib se réjouissait à entendre lui raconter ses joies et ses peines. Et il avait vu en Mohammed un grand avenir. À 8 ans, 2 mois et 10 jours approximativement, Mohammed perdit son grand-père Abd al-Muttalib à la Mecque. Ce dernier mourut sur la religion de ses pères, à savoir l'idolâtrie et le polythéisme. Avant sa mort, Abd al-Muttalib l'avait confié à son oncle Abu Talib, frère germain de son père, car Abdullah, le père du prophète, et Abu Talib ont comme père Abd al-Muttalib et comme mère Fatima bint Amr al-Makhzoumiyya. Donc la personne la plus proche du prophète, après la mort de son père, de sa mère et de son grand-père, était Abu Talib, le frère germain de père et de mère de son père Abdullah. Il y a un point important à souligner ici. Nous avons évoqué la mort de Amina sur la mécréance. La mort de Abdullah sur la mécréance. La mort de Abd al-Muttalib sur la mécréance. Le polythéisme et le shirk. On constate que la noble lignée d'une personne n'est pas une garantie pour elle qu'elle soit préservée du feu. Le père du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sa mère et son grand-père sont tous des gens du feu, malgré le fait qu'ils sont ses plus proches parents et ceux qui se sont occupés de lui. Cela ne les a pas affranchis pour autant du feu de l'enfer, car ils sont morts sur la religion des polythéistes et idolâtres. À cet effet, Allah dit, tabaraka wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. La sourate numéro 3, verset 85. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. De même, quelques versets après, Allah dit, tabaraka wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. La sourate numéro 3, verset 91. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si pour cela, ils donnaient le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secoureurs. Les proches du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne font pas exception à cette règle. On retrouvera aussi parmi ses proches qui sont destinés à l'enfer Abu Lahab et Abu Talib. L'affiliation par le sang au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas un gage de réussite et de salut, contrairement à ce que disent les chiites Rawafi, ceux-là même qui vouent un culte et une adoration à la famille du prophète, et déclarent inconcevable que Abd al-Muttalib et Abu Talib soient morts dans la mécréance. Mais en réalité, la guidée est entre les mains d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah dit, jalla wa ala, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. La sourate 28, le verset 56. Toi, Mohammed, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. La guidée des cœurs est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. Il guide qui il veut vers la vérité. D'ailleurs, le prophète dira plus tard, sallallahu alayhi wa sallam, « Man batta'a bihi amalu, lam yusri'a bihi nasabu. » Hadith rapporté par Muslim sous le numéro 2699. Celui qui a été retardé par ses actes de désobéissance ou autre, sa lignée ne saurait lui faire rattraper ce retard. Celui qui a été retardé par ses actes de désobéissance ou autre, sa lignée ne saurait lui faire rattraper ce retard. Celui dont les actes sont minimes ou déficients, voire inexistants, il ne pourra atteindre le rang des gens vertueux qui agissent en bien pour le salut de leur âme. Il ne doit donc pas s'appuyer sur sa haute lignée et la noblesse de ses ancêtres pour atteindre cela en délaissant les actes vertueux. Il a été rapporté de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, les vers de poème suivants. « La amruka mal insanu illa bidinihi, fala tatruki taqwa tikalan ala nasab, faqad rafa'a al-islamu salman farisi, waqad wada'a al-shirku al-sharifa aba lahab. » Par Allah, l'homme n'a de valeur que par sa religion. Ne délaisse donc pas la piété en t'appuyant seulement sur ta lignée. L'islam a élevé Salman, le Perse, et le polythéisme a rabaissé le noble de lignée Abu Lahab. L'homme, s'il n'a pas des actes vertueux qui viendront le purifier, il ne pourra atteindre les hauts degrés par sa seule personne. C'est une des clés de compréhension de la prédication du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'islam est venu pour élever l'homme et l'honorer. Celui qui s'en détourne, Allah le rabaissera, fût-il le meilleur en lignée, en richesse, en notoriété ou en rang social. Ceci étant dit, Muhammad se retrouva chez son oncle Abu Talib. Abu Talib se chargea de la défense de son neveu de la manière la plus complète, le comptant parmi ses fils, le préférant même à ceux-ci, lui réservant un traitement de respect et de considération. Les années passèrent, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam grandissait parmi les siens. À l'âge de 12 ans, il fut dit aussi 9 ans ou 10 ans, selon une divergence des savants, son oncle décida de l'emmener avec lui vers le Chem. Mohammed trouvait difficile la séparation d'avec son oncle, et ce dernier décida de l'emmener avec lui pour ce voyage commercial. Lorsque la caravane de Quraysh arriva aux frontières du Chem, aux abords de la ville de Bousra, le moine Bahira vit la caravane commerciale de Quraysh et décida de les inviter à manger. Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, rapporte cet événement. Abu Talib partit vers le Chem en compagnie du prophète alayhi salat wa salam et des gens de Quraysh, parmi eux des sages. Lorsqu'ils arrivèrent à proximité du moine, ils firent une halte et sortirent leurs provisions. Le moine sortit à leur rencontre, alors que d'habitude, ils passaient leur chemin et le moine ne venait ni à leur rencontre, ni ne se souciait d'eux, ni ne se préoccupait d'eux. Il dit, le narrateur, ils sortirent donc leurs provisions et le moine circulait parmi eux jusqu'à ce qu'il vînt en prenant la main du messager sallallahu alayhi wa sallam et dit « Voici le guide des mondes, voici le messager du Seigneur des mondes, celui qu'Allah envoie par clémence à l'égard des mondes. » Les sages de Quraysh lui dirent « Mais qu'en sais-tu ? » Il reprit « Les pierres et les arbres que vous avez dépassés depuis la région d'Al-Aqaba se sont tous prosternés, et ils ne se prosternent que devant un prophète. Je le reconnais par le sceau de la prophétie, qui, telle une pomme, est au-dessous du cartilage de son épaule. » Puis, il partit et leur prépara à manger. Lorsqu'il revint, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était en train de garder les dromadaires. Le moine leur dit, « Ramenez-le-moi. » Lorsqu'il arriva, il y avait au-dessus de sa tête, c'est-à-dire de la tête du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un nuage qui l'ombrageait. Lorsqu'il s'approcha des gens, il vit que tous l'avaient devancé en prenant les places à l'ombre des arbres. Alors, le prophète s'assied sous le soleil et l'ombre des arbres se déplaça vers lui et l'ombragea. Et le moine dit alors, regardez, l'ombre des arbres se déplace vers lui. Puis le narrateur dut continuer de dire, alors que le moine s'occupait de ses hôtes, il les exhorta à ne pas l'emmener avec eux vers la terre des Romains, car si ces derniers le reconnaissaient par ses descriptions, ils le tueraient sûrement. À ce moment, il tourna la tête et vit 7 personnes venant de chez les Romains. Il leur fit face et leur dit, quel est l'objet de votre visite? Ils répondirent, nous avons été informés qu'un prophète devait sortir ce mois-ci. Et il n'y a pas une route sans qu'on y ait envoyé des hommes à sa recherche. Puis, nous avons été informés de son parcours et c'est pourquoi nous avons été envoyés vers toi. Le moine leur dit, y a-t-il derrière vous des gens meilleurs que vous? Ils répondirent, nous fûmes choisis parmi les meilleurs. Il leur dit, voyez-vous si Allah voulait décréter une chose? Est-ce que quelqu'un pourrait l'en empêcher ou repousser cela? Ils dirent non. Il leur dit alors, faites-lui donc allégeance et soyez à ses côtés. Le moine se tourna vers Quraysh et leur dit par Allah, lequel d'entre vous est son tuteur? Ils dirent Abu Talib. Le moine ne cessa de l'enjoindre jusqu'à ce qu'il décida de faire repartir son neveu accompagné de 2 hommes dont il fut dit qu'ils étaient Abu Bakr et Bilal. Le moine leur donna en provision du gâteau et de l'huile. Ce récit a été rapporté par l'imam al-Tirmizi, al-Hakim, al-Bayhaqi, Ibn Asakir et d'autres. Ce récit ne fait pas l'unanimité des savants sur son authenticité. L'imam al-Zahabi l'a vivement contesté en déclarant tantôt qu'il comporte des informations faibles et tantôt des informations mensongères, notamment par le fait qu'il y ait mentionné Abu Bakr et Bilal. Chose impossible à cette époque, car Abu Bakr n'avait que 10 ans à ce moment-là, et Bilal n'a été acheté par Abu Bakr qu'après la révélation. D'ailleurs, Bilal n'était même pas encore né au moment de cet événement. Cependant, ce hadith est authentique, de par sa chaîne de transmission. Et la mention de Abu Bakr et Bilal est une erreur du transmetteur. Ibn al-Qayyim, rahimahullah tabarak wa ta'ala, a dit dans Zad al-Ma'ad, la mention de Abu Bakr et Bilal est une erreur. Ceci ne revient pas à remettre en cause la validité du hadith. Le Cheikh al-Albani, rahimahullah tabarak wa ta'ala, considère cette narration authentique et dit que la mention de Abu Bakr et Bilal est due à une négligence du narrateur, comme souligné dans ses annotations sur le livre de Fiqh al-Sir. Cette négligence, cette erreur, comme je vous l'ai dit, ne remet pas en cause l'authenticité de cette narration. Donc c'est un récit authentique. Ce récit est intéressant sur bien des aspects. Le moine, qui avait une science des écritures, remarqua en lui des signes probants de la prophétie. Parmi ces signes, la descente d'un nuage sur sa tête. L'ombre des arbres s'inclinait vers lui lorsqu'il dormait ou s'asseyait à ses pieds. Le fait qu'il était orphelin, le fait qu'il portait le sceau de la prophétie entre ses 2 épaules. C'est ce qui le poussa à exhorter Abu Talib de le renvoyer chez lui à la Mecque. Nous évoquerons, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, dans le prochain cours, les différentes prophéties de Muhammad al-Salam évoquées dans la Torah et dans l'Injil. Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, nas'Allah jalla wa ala niwafiqana lima yuhibbuhu wa yardha, wa nas'aluhu tabarak wa ta'ala al-huda wa al-tuqa, wa al-afafa wa al-ghina, wa subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.